les vôtres, pas plus maudits que tous les autres. J'attends que file l'esprit tranquille, les dernières heures de mon labeur. C'est un lundi pas assez gris pour faire celui qui est la vie. Alors je pousse les murs pour voir le ciel. Je suis mature pour les merveilles. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Et je rêvasse au grand galop avant que l'âge ne me casse en petits morceaux. Morceau de mystère sans une ride, prise de guerre qu'on dit la pire. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Je suis un homme qui croque la pomme de la confiance en l'existence. Je sais sans peine qu'en fin de semaine, je vais construire de quoi m'enfuir. À coup de rime sans déprime, à coup de mime pour mes intimes. Je parlerai sans doute de cette joie d'être avec toi là sur cette route. Car j'ai gravi tous ces lundis pour apprendre un peu à t'aimer mieux. Je suis un